Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Astérix, le Gaulois. Eh bien, les gens ont commencé à en parler beaucoup. Tout le monde a commencé à en parler. Et au fur et à mesure des années, je dois dire, le bouche à oreille a joué jusqu'en 1965, où on peut dire que là, il y a eu une grosse explosion. Enfin, c'est là la première fois où j'ai entendu une dame crier Astérix dans la rue parce qu'elle appelait son petit chien. René Goscinny, le père d'Astérix avec Albert Uderzo. Goscinny qui raconte comment et quand est venu le succès d'Astérix et quel succès. Astérix, c'est plus d'une trentaine d'albums vendus à plus de 350 millions d'exemplaires. Astérix, c'est plus d'une dizaine de films, dessins animés et longs-métrages classiques. Astérix, c'est aussi un parc d'attractions dans la région de Paris. Astérix, c'est enfin et surtout une idée de génie, toute simple, mais à laquelle il fallait penser. Évidemment, quand on invente quelque chose, on espère que ça aura du succès. Mais enfin, le succès normal et restreint qu'on peut espérer. Le seul sentiment que nous avons eu, c'est que nous étions tombés sur une idée très simple et tellement simple qu'elle avait été oubliée. Et les meilleures idées sont finalement les plus simples, c'est un peu le fil à couper le beurre. Et on se dit, tiens, les Gaulois, finalement, la première leçon que l'on apprend en histoire en France, c'est nos ancêtres les Gaulois. Et alors nous nous sommes dit, on les avait oubliés, ceux-là. Et alors, les noms, par exemple, sont mis très vite, et puis ça nous a amusé de le faire. Et ça, c'est un bon sentiment, quand vous commencez en vous amusant. René Goscinny, au micro de Fernand Seguin, à l'émission Le sel de la semaine en 1969, cet amusement qu'ont eu Goscinny et Uderzo à créer cette série de bandes dessinées d'Astérix, des millions et des millions et des dizaines et des centaines de millions de lecteurs l'ont aussi partagé. Jean-Dominique Leduc est acteur, chroniqueur de bandes dessinées et auteur d'ouvrages sur le sujet. Jean-Dominique Leduc, bonjour. Bonjour. C'est vrai que l'idée, elle est toute simple, au fond, elle est formidable. C'est un coup de génie quand il pense à cette idée, Goscinny et Uderzo, ce petit village gaulois qui résiste à l'Empire romain. Fabuleux, tout est là, déjà. Tout à fait. C'est vraiment d'arriver avec une idée simple de distorsionner l'histoire un tout petit peu. Et c'est de dire, il y a un seul village qui a résisté à Jules César et voyons voir de quelle manière il lui résiste. Et ce qui est encore plus extraordinaire, puis ça donnera les chiffres que j'ai cités au début de l'émission, c'est que c'est un modèle qu'on reproduit. Tout est là, le concept est là. C'est la même idée qui se déploie d'album en album, qu'on reprend d'album en album. Ben voilà, c'est l'idée toute simple de l'humour à répétition. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on sait pertinemment que les Gaulois vont résister et vaincre les Romains. La fin est écrite à l'avance. Voilà, on sait qu'il y aura un banquet, que le barde sera muselé, ouais. qu'il y aura du sanglier. Maintenant, la curiosité, c'est de savoir comment. Ouais. Comment ils vont arriver à leur fin et à vaincre une fois de plus l'Empire romain. Alors, ça commence quand et comment, les aventures d'Astérix? Alors, les aventures d'Astérix, le contexte historique, ça se situe à moins 50 avant Jésus-Christ. Et donc, cette idée-là est née en 1959, vraiment très, très, très peu de temps avant le lancement du premier numéro du journal de bande dessinée Pilote. Et donc, Goscinny et Uderzo cherchent une idée en vain pour une bande dessinée. Ce n'est pas, Astérix et Obélix n'est pas leur première collaboration. Il faut savoir qu'ils ont créé entre 1955 et 1959 quatre ou cinq séries. Et donc, le tandem est bien huilé. Il y a vraiment déjà une synergie qui opère. Et ils accouchent de cette idée-là toute simple, de dire, OK, on réécrit l'histoire. Ouais. Et on part d'un verre, je pense. Hein, oui. Ils sont chez, je sais plus, c'est Uderzo. Chez Uderzo, ouais. Autour d'un pastis. Ouais. Et vient cette idée, saugrenue, mais en même temps tellement simple, tellement brillante. Et j'imagine qu'à l'époque, les deux créateurs ne se doutent pas du millage qu'ils feront avec cette extraordinaire idée. Mais néanmoins, dès le premier numéro de Pilote, Astérix, la série est là. Et très, très rapidement, d'ailleurs, la série deviendra la locomotive du journal Pilote. Ça prendra quelques années, en fait. Donc, c'est d'abord dans les pages de Pilote qu'on suit les aventures d'Astérix. Premier album arrive un peu plus tard. Là. Oui, le premier album arrive en 1961, fin 61, début 62. Et déjà, tranquillement, le succès s'installe. Il faut savoir qu'à cette époque-là, des albums de bande dessinée franco-belge, il n'y en a pas des masses qui circulent. Évidemment, il y a eu Tintin qui s'est installé en premier. On suivit Blake et Mortimer et quelques albums. Et donc, ils sont vraiment au tout début avec Astérix. Ils sont au tout début de cette tradition de séries prépubliées dans des journaux qui ensuite passent du côté du format album. Et donc, très, très rapidement, ça rencontre un très, très grand succès. Alors, bon, vous le disiez, ils se connaissent déjà, puis on y reviendra à leur rencontre. Mais qui sont-ils d'abord? En quelques mots, d'abord René Goscinny. Parce qu'il a un sacré parcours, ce bonhomme-là, quand même. Oui, un parcours, dirons-nous, assez atypique. Ouais. Alors, né à Paris en 1926, deux ans plus tard, il migre en Argentine avec ses parents. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, va s'installer à New York parce que Goscinny rêve de travailler pour Disney. Goscinny, à l'époque, dessine. Et son rêve le plus fou, c'est de dessiner en animation pour Disney. Ce qui ne se fera pas. Néanmoins, Goscinny fera la rencontre extraordinaire des créateurs du Mad Magazine, donc Jack Davis notamment. Et c'est quand même tout un courant artistique aux États-Unis. Là. C'est quand même assez incroyable qu'il ait rencontré ces gens-là. Et donc, dès 1951, Goscinny quitte New York pour gagner Paris. S'installe aux Champs-Élysées, dans les bureaux de la World Press, où il va faire la rencontre d'Uderzo. Ah bon, c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Tout à fait. Et donc, ils vont collaborer ensemble dans un premier temps au niveau publicitaire, si on veut. Et voyez-vous, bon, Uderzo, lui aussi, fils de migrants italiens, débute sa carrière d'illustrateur au début des années 40. Lui aussi, très, très, je vous dirais, très impressionné et très inspiré aussi de la culture de la bande dessinée anglo-saxonne américaine, donc le comic strip qui prévalait dans les quotidiens américains. Et donc, évidemment, ces deux-là ont des atomes crochus, se rencontrent, collaborent ensemble et très, très rapidement, l'un se soude à l'autre, finalement. Et ça, ils vont se suivre, d'ailleurs, toute leur vie. C'est plus qu'une équipe, là. C'est vraiment deux grands, grands complices. On va revenir avec Uderzo, cette fois-là, sur justement sur la naissance et le génie de cette naissance d'Astérix. Mais au fond, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, Albert Uderzo et René Goscinny? Uderzo en parle à Paul Sevran en 1966. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire quand ils ont créé, même graphiquement, visuellement, ces personnages? Albert Uderzo, qu'est-ce qui caractérise Astérix? Ce n'est pas Superman, ce n'est pas Tarzan, ce n'est pas un héros, et pourtant il en est un. Oui, nous avons essayé, contrairement à l'habitude, de faire un héros qui soit petit, assez laid, qui, j'espère, est tout de même assez sympathique, parce que nous en avions assez de voir constamment des héros très jolis garçons, très beaux garçons, qui appellent, si vous voulez, à la sympathie par leur présence physique. Nous voulions que notre héros soit d'abord un personnage d'abord humoristique, donc il lui fallait un gros nez, c'est évident. Le gros nez est signe de bonté, paraît-il. Le mien se porte très bien, merci. Et donc, nous avons cherché surtout, avant tout, de trouver des personnages qui, graphiquement, appellent la sympathie par leur présence physique, mais non pas par leur beauté. Ça, c'est fascinant. C'est très important, ce choix qu'ils font dès le départ. Le gros nez, ça peut paraître anecdotique, mais c'est plus que ça, en fait. Et l'intervieweur le disait, Astérix, c'est pas un héros, et pourtant, c'en est un. Des personnages imparfaits, Jean-Dominique Leduc, mais tellement proches de nous, tellement sympathiques. C'est clé dans la conception même d'Astérix et dans ce qui fait qu'on aimera ces personnages. Tout à fait, parce qu'il y a une identification qui se fait... je vous dirais de façon spontanée. Le anti-héros est beaucoup plus près de vous et moi que l'ardent chevalier. Prenez Tintin, par exemple. On ne s'identifie pas à Tintin. On s'identifie au capitaine Haddock. On s'identifie au travers des Dupont. Alors, c'est la même chose avec Astérix et Obélix. Ce que l'extrait ne dit pas toutefois, c'est qu'au point de départ, Uderzo avait graphiquement conçu Astérix comme étant un personnage fort et un espèce de chevalier. Ah bon? Et c'est Goscinny qui lui a dit non. On va faire exactement l'inverse. On va aller du côté de l'anti-héros, donc on va faire un petit bonhomme avec un gros nez, justement pour casser cette idée-là. Et c'est aussi L'idée de cette racine de Laurel et Hardy, donc de cet enracinement de la comédie américaine. On y revient toujours. Toujours. Cet amour, ces racines américaines, Uderzo et Goscinny qui aiment ce qui se fait de ce côté-là de l'Atlantique. C'est aussi, il faut le dire, puis là on revient du côté européen de l'Atlantique, mais c'est aussi une école de dessin. C'est un peu plus pointu, mais moi je l'apprenais en préparant le dossier. Il y avait deux grandes écoles, ouais. L'école de Bruxelles, l'école de Tintin, si on oui, veut. Oui, donc la ligne claire... une ligne beaucoup plus près du réalisme, donc quelque chose de très, très classique. Alors que l'école de Marcinelle, à laquelle adhèrent Uderzo, Goscinny et compagnie, là, on va dans les formes plus arrondies et les gros nez. Et souvent, dans le milieu de la bande dessinée, on parle de gros nez. Ah oui, c'est l'école du gros nez. Ouais. Alors évidemment, c'est le genre qui prévalait dans le journal Spirou et dans le journal Pilote aussi. Donc là, techniquement, on est tout de suite... immédiatement dans la comédie. On est dans quelque chose de beaucoup plus chaleureux, oui. De beaucoup oui. plus près. Franquin est un des grands dieux de l'école de Marcinelle. Et c'est pas pour rien que Gaston Lagaffe, par exemple, a connu le succès qu'il a connu. Un autre anti-héros auquel on s'identifie. On aime les gros nez, finalement. Oui. Ça doit être ça. Oui, exactement. Vu les circonstances, Obélix, pour la première fois... Je vais te donner à boire de la potion magique. Vrai? Moi, je vais avoir de la potion magique. La la l'air, la la l'air. Extrait d'Astérix et Cléopâtre, qui sera, Jean-Dominique Leduc, l'un des grands albums d'Astérix. Pourquoi avoir choisi celui-là? Parce que c'est, ça nous permet d'approfondir un peu la relation qu'ont Uderzo et Goscinny. C'est un des albums, je pense, où vraiment on est dans la plus parfaite synergie. Ah oui, tout à fait. De quelle manière ils se complètent, ces deux-là? Bon, comme je disais d'entrée de jeu, Goscinny a d'abord dessiné. Oui. Mais rapidement, il a abandonné pour se consacrer vraiment à la scénarisation, métier qu'il a d'ailleurs inventé de toutes pièces. Il n'était pas très bon dessinateur? C'était un modeste dessinateur. Oui. Mais quand même, en côtoyant les plus grands, évidemment, dès son jeune âge, ça lui a permis de faire ses classes. Et donc, Goscinny, lorsqu'il scénarise, a parfaitement en tête la mise en plage, donc la mise en scène, et avec un dessinateur du génie d'Uderzo, évidemment, qui lui, derrière, passe et ajoute une deuxième, une troisième, une quatrième ouais. couche. Donc, évidemment, on parle de synergie, parce que ce sont deux génies dans les faits. Et donc, l'album, qui est un chef-d'œuvre, il faut se le dire, chez Cléopâtre, Astérix et Obélix, c'est vraiment un très, très grand album, notamment parce que Uderzo, au niveau des décors, se surpasse. C'est un album qu'on peut feuilleter encore et encore et encore. Chaque case est l'occasion d'être émerveillé. En fait, c'est incroyable. Et c'est vraiment un humour stratifié. Donc, évidemment, avec Goscinny, il y a des jeux de mots, il y a de l'humour à rappel, mais il y a aussi l'humour visuel. Et d'ailleurs, ouais. Uderzo disait « Je ne lâche pas un dessin tant que je peux encore y mettre des blagues. Hmm. » Et donc, je trouve que cet album-là illustre parfaitement, et c'est vraiment un pinacle, ouais. cet album-là. Et ils vont se suivre tout du long. Ouais. C'est quoi le type de leur rapport, en fait, la nature de leur rapport? C'est deux grands amis, c'est plus qu'une équipe. Là. Ah oui, évidemment. Évidemment, on peut pas être lié par une solide affection. Ils vont travailler ensemble toute leur vie. Toute leur vie. En fait, Goscinny va mourir d'un bête accident de santé. C'est-à-dire qu'il se présente chez son docteur en 1977 pour un test de routine et il meurt là sur le coup. Ouais. C'est terrible, c'était pas du tout préparé. Et on ne peut que s'attrister parce que on ignorera toujours ce que ce tandem-là aurait continué ouais. de nous donner. Et ouais. évidemment, après le départ de Goscinny, son absence se fait sentir dans les albums d'Uderzo, mm-hmm. dans les albums qu'Uderzo réalise en solo. Il y a l'avant et l'après, fatalement. Le jeu avec l'histoire, on le disait au tout début de l'émission, c'est le génie de cette série-là, s'amuser avec l'histoire avec un grand H, c'est dangereux en même temps. Mais leur intention, quand ils font ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire? En fait, c'est tout simplement... comment je pourrais vous dire? Évidemment... L'histoire gauloise est très, très implantée chez les Français. Ce sont leurs ancêtres. Donc, ça fait partie vraiment de leur formation de base scolaire. Et donc, ils ont pris un bout d'histoire que tout le monde connaît et ils se sont amusés à distorsionner, mais simplement un brin, juste pour dire. Et donc, en disant que les Romains n'ont pas conquis toute la Gaule, mais seulement un petit village. Alors, cette distorsion-là donne, du coup, donne la liberté, en fait, de réécrire l'histoire. Mm-hmm. Mais constamment, en faisant des clins d'œil au lecteur, mais aussi, ces clins d'œil-là, la nature de ces clins d'œil-là aussi, c'est de mettre l'histoire en contexte. Et c'est de voir, par rapport à aujourd'hui, mm-hmm. comment les idées, mm-hmm. comment la société a évolué. Et constamment, c'est par Obélix que ça passe. C'est-à-dire ouais. qu'Obélix répète sempiternellement « ils sont fous, ces Romains ». La raison pour laquelle il répète ça, c'est que c'est fort simple, c'est que quand même les Romains, dans l'histoire de l'humanité, ont énormément fait évoluer la technologie. Mm-hmm. Du point de vue sociétal, ils étaient très, très libéraux. Et donc, on voit Obélix, lui, dans son petit village gaulois, qui est très, très classique, conservateur, et qui, face à la nouveauté, face à l'évolution, ne comprend pas ce qui se passe. Et d'où cette phrase, en fait, ce mantra « ils sont ouais. fous, ces Romains ». Et donc, c'est toujours de mettre en perspective cette histoire avec l'aspect contemporain. Oui, le roman qui, dans notre contexte d'aujourd'hui, pourrait être les Américains, par exemple. Tout à fait. Les clins d'œil, voir l'histoire avec des références très, très modernes. Oui, tout à fait. Électroménager ou enfin, peu importe. Les historiens, en un mot, quel regard ils vont porter sur cette série-là? Oh, ben, il y a un pacte fort simple hein, avec les auteurs, c'est-à-dire que la convention est tellement claire et établie dès le départ. Ne nous prenez pas au sérieux. Voilà, exactement. Ce qui ne fut malheureusement pas le cas, par contre, d'Hergé, avec ouais. Tintin, qui a pris d'énormes libertés dans certains albums et qui a été critiqué pour ça. Parce que Hergé n'avait pas le même pacte, ouais. si on veut. Alors on l'accuse d'être raciste, par exemple. Oui, tout ouais. à fait. On sait aussi qu'il a été collaborateur durant la Deuxième Guerre mondiale, chose qui lui a fait très, très mal. Ouais. Et donc, on trouve des résidus de ça dans ces albums d'Hergé. La dimension historique, la dimension géopolitique d'Astérix, évidemment, ça a une résonance particulière au Québec. Écoutez cet extrait, tellement éloquent, parce que le contexte est le suivant. Le premier ministre du Québec à l'époque, René Lévesque, qui parle aux députés de l'Assemblée nationale en France, à Paris, en 1977, et qui leur fait ce clin d'œil. Nous formons donc la seule collectivité importante qui soit française de souche. Nous pouvons, tout comme vous, évoquer sans rire, ou enfin, en riant si peu, nos ancêtres les Gaulois. Et comme nous ne sommes pourtant que 6 millions au coin d'un continent comptant 40 fois plus d'anglophones, il nous arrive même à l'occasion de nous sentir cernés comme Astérix dans son village. Et de songer aussi que l'Amérique du Nord tout entière aurait fort bien pu être gauloise plutôt que, disons, néo-romaine. La métaphore d'Astérix, Jean-Dominique Leduc, elle nous parle très directement comme Québécois. Quel accueil, ça va marcher, Astérix au Québec? Quel accueil, quel rapport on va avoir avec cette série-là? Immédiatement, évidemment, ouais. parce que y a un rapport cathartique. Évidemment, parce qu'on se compare, comme M. Lévesque vient de le dire dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Et donc, il faut savoir aussi qu'à l'époque, dans les années 60, la distribution d'albums franco-belges, mis à part les albums de Tintin, c'est assez difficile. Ouais. Alors donc, quand Astérix arrive en album, ici au Québec, comme l'offre est très, très rare, c'est un succès fulgurant. Vient à ça le support médiatique de la télévision, c'est-à-dire que, par exemple, durant Bobino, il présentait des extraits du premier film d'animation. Et donc, évidemment, Astérix est entré aussi dans les maisons par Bobino, ouais. par la télévision. Et donc, ça, c'est venu renforcer vraiment le succès éditorial des albums. Ben justement, puisqu'on parle de télévision, de dessins animés, on écoute René Goscinny parler de tout ça, de l'apparition de ces dessins animés à l'émission de Lise Payette. Appelez-moi Lise, on est en 1973. Il y a eu des films d'Astérix qui ont bien marché. Il y a eu le film de Lucky Luke aussi. C'est un nouveau moyen pour vous, ça? Oui, c'est un nouveau moyen et en même temps, c'est celui auquel je rêvais depuis le début. J'ai toujours voulu faire du dessin animé, mais évidemment, c'est très difficile. Il faut en avoir la possibilité. Et quand je l'ai eu, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion et je pense continuer. C'est très passionnant, c'est très difficile, très long, mais c'est très passionnant. Vous êtes un petit Disney français. Oui, un tout petit Disney français. Et je rêve qu'un jour aux États-Unis, on dira, tiens, vous êtes le Goscinny américain. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver un jour? Est-ce que ça marche aux États-Unis, ce que vous dites? Absolument pas. C'est pas le même humour. C'est pas que ce n'est pas le même humour, mais assez curieusement, j'ai toujours pensé qu'ils ne m'attendaient pas. Ils vivent très bien sans moi, et je le déplore. En écoutant René Goscinny chez Élise Payette, Jean-Dominique Leduc, il disait, vous en aviez parlé, il a travaillé aux États-Unis, il voulait faire du dessin animé, ça n'arrivera pas. Mais sur la relation, sur le fait qu'Astérix ne marche pas aux États-Unis, pourquoi? Tout simplement parce que les Américains produisent déjà énormément de bandes dessinées. L'offre est pratiquement saturée. Ils sont aussi très protectionnistes. Hein? Ils exportent leur culture, mais quand vient le temps d'ouvrir les portes à l'extérieur, c'est toujours un peu plus difficile. Il faut savoir aussi que Astérix, c'est une série qui repose en partie sur l'humour du langage, donc les jeux de mots, les références aussi. Et dans la traduction, évidemment, ça se perd. Ouais. Et donc aussi c'est très franco-français. Oui, voilà. En même temps, ça marche ailleurs dans le monde. C'est ça qui est particulier. Mais les États-Unis, vous savez, c'est une bête vraiment à part. Il y a une question aussi de format, un album cartonné, couleur, alors que là-bas, ce sont des périodiques, des mensuels, ouais, brochés de 32 pages. Évidemment, on ne consommait pas de la bande dessinée aux États-Unis, ouais, comme on le faisait dans toute la francophonie. Il meurt, on l'a dit, en 77, dans les circonstances que vous évoquiez, Goscinny. Ça devient quoi, Astérix, après sa mort? Je vous dirais que ça devient un peu difficile. Évidemment, parce que Goscinny nous manque cruellement. Ouais. C'est-à-dire qu'Uderzo reprend les rênes de la série en solo. Même s'il a un humour brillant, Uderzo, du point de vue graphique, on se rend compte très, très rapidement qu'en fait, ce n'est pas un scénariste. Et fort de ses personnages et de cet univers qui est très bien campé, passé les 24 premiers albums, il éprouve néanmoins rapidement de la difficulté à tenir le fort. Et on sent Astérix pâlir un peu, ouais, au fil du temps. Ouais. Ça devient un peu édulcoré. Ça se poursuivra quand même, oui, après qu'Uderzo ne soit plus vraiment actif. Il y a encore aujourd'hui des albums d'Astérix. Ça devient quoi, en fait? En fait, il y a deux repreneurs qui ont été mandatés. Donc, un scénariste, Jean-Yves Ferry, et un illustrateur, Didier Conrad, qui travaillent vraiment en étroite collaboration avec Uderzo, qui supervise le tout. Et donc, la série se poursuit dans le même esprit graphique, dans le même esprit aussi humoristique. Et je vous dirais que ça fonctionne plutôt bien. On en est au deuxième album des repreneurs et déjà au deuxième, on sent le retour. Ah bon? Ah oui, vraiment, c'est très, très bien réussi. Renaissance. Oui, évidemment, Goscinny n'y est pas, il n'y sera plus. Mais néanmoins, on se rapproche quand même de la nature de la bête, je vous dirais. Jean-Dominique Leduc, acteur, chroniqueur BD, auteur de Demi-Dieu, 40 ans de super-héros dans la bande dessinée québécoise, réédité aux éditions Mémoire en 2014, de même que co-auteur avec Michel Villot des Anécros, publié aux éditions Québec-Amérique. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci, Jean. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.